Bakal City, Bakal City. DJ Air. Is it? Adieu mon pays. Châtel et Al, le parvis. Journant et Alif à Boulbé. Loin et le temps du silence, c'est pas un oubli. Adieu mon pays. Reste sur le trait Tous les jours on charbon, on pied Tu en Ligue des champions contre Chelsea. J'prends des millions, j'prends des selfies. La suite, la fille, elle m'est de ma Chelsea. J'suis en jet, mais j'ai la belle vie. C'est sans air, mais c'est le sol air qu'on apprécie. Adieu mon pays. Adieu mon pays. Bakal City, Bakal City. Adieu mon pays. Bakal City, Bakal City. Adieu mon pays. Mais moi, j'serai toujours à les parer. Cousin, tu seras jamais à libérer. Adieu Gorée et le mépris. À les détester, je me détruis. De fusil, je retourne prêt. Je veux me forger, décrocher le premier prêt. Les retours zombies de boîte de nuit. Perdu dans le cul d'une galée et pierre de la seule nuit. Je suis diamant en verre, c'est Swarovski. Mon amour pour cette terre n'est pas plus grand que Sarkozy. Je pars libre, je suis l'élite de San Negro. Mets-toi dans le cul, ton vélib, hasta luego. Adieu mon pays. Adieu mon pays. Bakal City, Bakal City. Adieu mon pays. Bakal City, Bakal City. Adieu mon pays.